Kanka. Kim var? Komutan mı? Aracı neyse süpesyon. Salut, vous êtes à l'écoute de Suppression, émission de Punk Sky Hardcore francophone qui diffuse toutes les semaines à partir de suppressionpunk.com et qui est enregistrée à Ottawa, du territoire algonquin. Moi c'est Mathieu et je vais faire jouer évidemment du Punk Sky Hardcore pendant une heure. J'ai une bonne émission de planifier pour vous cette semaine. J'ai une couple de groupes et une couple de labels qui m'ont contacté récemment, alors je vais pouvoir jouer du nouveau matériel, matériel de groupe, un groupe de Hawkesbury, un groupe Prospect Nelson, un peu plus tard dans l'émission. Je vais aussi vous faire jouer du Slater et Fist, un groupe que j'ai jamais fait jouer en onde, dont je connaissais pas jusqu'à récemment. Alors je vais vous faire jouer ça un peu plus tard dans l'émission. On va commencer avec du Grabuge, de leur album Perdu d'avance, groupe que j'ai fait jouer, je pense la première fois la semaine passée. Je vais vous faire jouer le morceau Branleur, alors c'est ça. Voici du Grabuge sous pression. We'll be right back.

Salut, on vient d'écouter du Mauvaise Conduite de leur album Fade Away, c'est le morceau Bitterness brisé en deux. Jeunesse apatride avec Pour Rien de leur album L'Arme au Point, du Ayoko après ça avec Dans l'Ombre, et on a commencé avec Grabuge de leur album Perdu d'avance, le morceau Branleur. Alors, je continue en musique avec du Prospect Nelson, la première fois que je fais jouer le groupe, parce que je viens tout récemment de les découvrir. Ils m'ont envoyé un courriel, partagé leur musique, et c'est pas pire, je vais faire jouer le morceau Let's Go. Le groupe sera en concert à Ottawa le 18 août, alors si vous êtes dans le coin, allez checker ça, c'est au Mavericks. Après ça, je vais faire jouer un morceau de Slater et Fist de leur album Cours d'inconduite, et ça sera ça. Alors, ben ça sera ça, pas ça pour l'émission. L'émission va continuer évidemment, mais pour les deux, on va commencer le prochain bloc avec ces deux groupes-là. Alors voici du Prospect Nelson, à Sous Pression. Toi comme le reste du monde, on peut pas quelque chose qu'on donne la fesse. La vie c'est mieux qu'à contre. jamais partir. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. On vient d'écouter Stereo Monroe de leur EP Coupe à Blanc. C'était le morceau Coupe à Blanc. Slater et Fils avant ça de leur album Cours d'inconduite. C'était le morceau Comme sur des roulettes. Et on a commencé le bloc avec du Prospect Nelson, groupe punk rock de Hawkesbury en Ontario. C'était le morceau Let's Go de leur album éponyme. Alors là, on est rendu à mi-chemin de l'émission. Comme à toutes les semaines, je vous rappelle Facebook, facebook.com/sous-pression. Allez checker ça, le site Facebook de l'émission. Et vous aussi, si vous écoutez à la radio à CHU à Ottawa ou à CVR à Yellowknife, allez checker sous-pressionpunk.com. C'est un peu comme le cœur de l'émission sur le web, c'est le site web. Et si vous voulez envoyer un courriel, info@commercial-sous-pression-punk.com. Si vous avez de la musique, envoyez des demandes spéciales, des commentaires, n'importe quoi, envoyez-moi un message. C'est super cool de communiquer avec du monde. Et c'est ça. Là, on continue avec le bloc sono mondial, moment où à chaque semaine, on sort de la francophonie. Cette semaine, on s'en va pas trop loin de où je suis. En tout cas, peut-être que c'est plus loin de où vous êtes, mais... D'Ottawa, c'est pas trop loin, c'est... Ben, un peu loin, mais c'est Colombie-Britannique. On va faire jouer le groupe The Rebel Spell. C'est un groupe qui, malheureusement, n'existe plus. Se sont séparés en 2015. Ben, le groupe a pris fin en 2015 suite au décès du chanteur Todd Sirius, qui est décédé dans un accident. Mais ils nous ont laissé avec plein de bonnes musiques, des vraiment bons albums. Et je vais faire jouer deux morceaux de leur dernier album, l'album Last Run. Je vais faire jouer les morceaux Hopeless et Let's Roll a Storm. Vraiment, vraiment, vraiment bon groupe de Rebel Spell. Alors voici The Rebel Spell à sous pression. To you, and we're C'était The Rebel Spell avec Hopeless et Let's Roll a Storm. On continue maintenant avec du Brutal Cherry de leur album Antisocial et Brutal, le morceau Daytona. Belle école, j'ai pas vu des clés, mais jour sans dormir, puis y'a plus rien qui se passe. Ce que je veux, c'est des games, mais c'est plus vraiment ça. On arrête les appels, allez au cinéma. Se retourne les bras. one time. Give it to me two times. Give it to me three times. Give it to me four times. Give it to me one time. Give it to me two times. Give it to me three times. Give it to me four times. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. Maintenant, ensemble, tire à sa fin. J'ai le temps de faire jouer un dernier morceau, mais avant ça, on va faire un retour sur le dernier bloc. On a commencé avec du Brutal Chéri, le morceau Daytona. Capable, après ça, de la plus récente EP Hot Dog Chicane, c'était le morceau Biking. La Gâchette avec Vengeance, Stigmate, Jour Heureux. Après ça, on a écouté du Resaca Sonora de leur album Buenaventura, le morceau Nouvelle Virée. Du Nuclear Device après ça avec Rudy 5446. Et on vient d'écouter les Rasoirs Électriques de leur album DIY, le morceau Rockstar de l'Espace. On va se laisser avec un dernier morceau, on va se laisser avec du War No War de leur démo sorti 2015, 2016 peut-être, je me rappelle plus. Le morceau, je me mets des claques. Alors c'est ça, voici du War No War à sous pression.